Chant numéro 9. Du décrépit Titon, déjà la concubine commençait à blanchir au bord de l'Orient, et de son doux ami semblait fuir les étreintes. Son front resplendissait des pierres précieuses, qui forment le portrait de ce froid animal, qui du bout de sa queue attaque les humains. Et à ce même endroit où nous restions assis, la nuit avait déjà fait deux pas vers le jour, et semblait mettre en train le départ du troisième, lorsque moi, qui traînais le premier don d'Adam, vaincu par le sommeil, je me couchais dans l'herbe, où restaient au repos les autres quatre, assis. À l'heure où l'hirondelle, aux approches du jour, commence à dégoiser une triste complainte, pleine de souvenirs de ses premières peines, et lorsque notre esprit, débarrassé des chaînes, du poids de notre chair et de notre pensée, se livre aux visions et presque prophétise, il me semblait en songe apercevoir au ciel un aigle aux plumes d'or, suspendu dans les airs, prêt à foncer sur nous, les ailes déployées. Ensuite, je pensais me trouver dans ce lieu où l'enfant Ganymède abandonna les siens lorsqu'il fut enlevé par le palais des dieux. Je disais en moi-même, il est habitué à ne faire qu'ici sa chasse et n'aime pas s'agripper à la proie ailleurs qu'en cet endroit. Et puis il me semblait qu'il tournoyait dans l'air et se précipitait sur moi comme un éclair et m'enlevait là-haut, au céleste foyer. Ensuite il me semblait que nous brûlions tous deux et le brasier du songe était insupportable, à tel point qu'il finit par me faire éveiller. Comme Achille jadis tressaillit en jetant partout autour de lui des regards étonnés, sans savoir quel était le lieu qu'il regardait, lorsque sa mère vint le reprendre à Chiron, l'emportant endormi dans ses bras à Syros, d'où les Grecs par la suite allaient le retirer. Ainsi je tressaillis, lorsque de mes paupières s'absenta le sommeil et perdit les couleurs, sous le frisson glacé qui m'étreignait le cœur. Seul restait près de moi celui qui me console. Le soleil était haut l'espace de 2 heures. Je tenais le regard tourné vers le rivage. « Ne crains rien maintenant, dit alors mon seigneur. Nous sommes arrivés à bon port, prends courage. Ne te relâche pas, fais un nouvel effort. Nous sommes arrivés au seuil du purgatoire. Regarde le rebord de rochers qui l'entoure, et l'endroit où l'on voit qu'il demeure entr'ouvert. À l'heure où le matin est devancé par l'aube, alors que ton esprit plongeait dans le sommeil, au-dessus de ces fleurs qui parent la vallée, une dame survint qui dit « Je suis Lucie, laissez-moi transporter celui-ci qui dort là-bas, afin que le monter lui coûte moins d'efforts. » Sordello reste en bas, avec les nobles âmes. Elle t'a pris ensuite, et s'est mise à monter, dès que le jour fut clair. Moi, j'ai suivi ses pas. Elle t'a déposé, non sans m'avoir montré avec son beau regard, la porte que voilà. Puis, elle et son sommeil sont disparus ensemble. Comme celui qui voit se dissiper ses doutes, et sans se convertir ses frayeurs en espoir, après avoir enfin appris la vérité, tel je devins moi-même. Et aussitôt mon guide, me voyant rassuré, partit vers la falaise, dont je gravis la pente à quelques pas de lui. Lecteur, tu comprendras qu'à présent, ma matière commence à s'élever. Ne t'étonne donc pas si je vais l'habiller avec plus d'artifice. Nous nous étions déjà rapprochés de l'endroit où je croyais d'abord distinguer une fente qui semblait séparée de pans de la muraille, et j'y vis une porte à laquelle on pouvait monter par 3 gradins de couleurs différentes, et dont le seul gardien demeurait immobile. Et comme j'ouvrais grand les yeux pour regarder, je l'ai bien vu, debout sur la marche d'en haut, mais je n'ai pu souffrir l'éclat de son visage. Il tenait à la main toute nue une épée, dont les brillants reflets resplendissaient si fort que souvent mon regard en restait ébloui. « Écoutez-moi là-bas, qu'est-ce que vous voulez » commença-t-il à dire. « Où reste votre escorte ? » gardez que ce chemin ne vous coûte trop cher. » Une dame du ciel, qui connaît bien ces choses, répondit Monseigneur, nous envoya tantôt, nous disant, « Allez là, la porte est devant vous. » Qu'elle soit avec vous sur la route du bien, répondit aussitôt le gardien trop courtois. Venez, avancez-vous, venez monter nos marches. Alors nous avançâmes jusqu'au premier degré, construit en marbre blanc si lisse et si poli, que je m'y vis tout, tel que je suis en effet. Le second était teint des couleurs de la nuit, fait en pierre rugueuse et qui semblait brûler, en long et en travers sillonnés de crevasses. Le troisième gradin, qui dominait les autres, paraissait d'un porphyre aussi haut en couleur que le sang qui jaillit lorsqu'on ouvre une veine. C'était sur ce dernier que reposaient les plantes du messager de Dieu, qui défendait le seuil et paraissait briller plus que le diamant. Mon guide m'entraîna, visiblement content, le long des trois gradins, en me disant « Demande, mais bien modestement, qu'on ouvre la serrure. » Me jetant aux saints pieds avec dévotion, j'implorai par pitié que l'on m'ouvrit la porte, après avoir frappé par trois fois ma poitrine. Il me marqua sept paix sur le front, à la pointe de son épée, et dit « Ne néglige donc pas, quand tu seras entré, de laver ces sept plaies. » La couleur de la cendre ou de la terre sèche est tout à fait pareille à celle de sa robe, et de l'un de ses plis, il retira deux clés. La première était d'or, et l'autre était d'argent, et avec la clé blanche, ensuite avec la jaune, il fit ce qu'il fallait pour mon contentement. Chaque fois que faillit l'une de ces deux clés et ne tourne pas rond au trou de la serrure, nous dit-il, on ne peut obtenir le passage. L'une est plus chère, l'autre exige plus d'adresse et beaucoup de savoir avant qu'on puisse ouvrir, car elle seule peut délier tous les nœuds. Pierre me les donna jadis, en me disant qu'il fallait ouvrir trop plutôt que trop fermé, pourvu qu'on vînt toujours implorer à genoux. Ensuite il poussa lui de la porte sacrée, en nous disant « Entrez, mais je vous fais savoir qu'on expulse celui qui regarde en arrière. » Lorsque, l'instant d'après, nous avons vu tourner sur leurs gonds les pivots de la porte sacrée, qui sont faits d'un métal sonore et résistant, la porte tarpéienne a dû grincer moins fort et céder bien plus vite quand le bon Métellus fut enlevé de force et le trésor vidé. Et m'étant retourné, quand j'entendis ce bruit, je crus entendre aussi « Te Deum Laudamus » que chantait une voix à ces doux sons mêlés. Ce que j'en entendais me rappelait assez l'effet que nous produit quelquefois la musique, quand le texte paraît tantôt être couvert et tantôt renforcé par les accords de l'orgue.